Chapitre 5 Où l'œil gris tient sa promesse qu'il avait faite de pénétrer dans le fort Saint-Charles. Le reste de la nuit fut tranquille. Parfois, et à d'assez longs intervalles, le fort lançait des pots à feu dans les travaux de tranchées, afin d'inquiéter les pionniers occupés à remuer activement la terre. Mais, à part quelques fusillades insignifiantes contre les lignes et quelques boulets tirés sur les épaulements, les révoltés, satisfaits probablement des résultats inespérés qu'ils avaient obtenus en réussissant à faire sortir du fort sans être aperçus un nombreux détachement de troupes, jugèrent inutile de harceler davantage les assiégeants et ne tentèrent rien de sérieux contre eux. De leur côté, les troupes de siège avancèrent leurs travaux. Elles travaillèrent même avec une telle ardeur cette nuit-là qu'elles commencèrent à mettre plusieurs pièces de fort calibre en position dans les tranchées. Soldats et officiers ne se ménageaient pas. Tous avaient hâte d'en finir. Les deux jeunes femmes, retirées dans l'appartement de Claircine, ne songèrent pas un instant à se livrer au repos. Leur tristesse et leur inquiétude étaient trop grandes pour que le sommeil fermât leurs paupières. Les quelques heures qui s'écoulèrent depuis le départ du capitaine Ignace jusqu'au lever du soleil, furent entièrement employés en douces causeries, cœur à cœur, entre deux charmantes femmes, si bien faites pour s'aimer. Ces heures passèrent donc rapidement. Sur la prière de René, dont tous les soins tendaient à la distraire de sa douleur, Claircine lui raconta, tout en veillant avec sollicitude sur le sommeil de ses deux enfants, l'histoire à la fois simple et touchante de son mariage. Et comment le capitaine Ignace, cet homme terrible, si redouté et même parfois si cruel, s'était toujours montré pour elle tendre, doux, affectueux. Quel amour profond cet homme énergique éprouvait pour sa femme et ses enfants, les seules créatures qu'il aima réellement. Mademoiselle de la Brunerie rappela à la jeune femme les promesses qu'elle lui avait faites. Elle l'assura une fois encore de sa constante et amicale protection. Elle l'engagea fortement à se tenir prête à quitter Saint-Charles d'un moment à l'autre avec elle, car elle avait l'intime conviction que Delgrès n'oserait la retenir prisonnière. Mais dans son fort intérieur, la jeune fille trouvait très embarrassée. Elle ne savait quel moyen employer pour parvenir jusqu'à Delgrès, qui lui seul tenait son sort entre ses mains. Claircine lui offrit aussitôt de lui servir d'intermédiaire auprès du commandant. Proposition accueillie avec une vive reconnaissance par Mademoiselle de la Brunerie. La jeune mulâtresse allait, en effet, quitter la chambre à coucher et sortir pour accomplir cette mission généreuse, car le soleil était depuis quelque temps déjà au-dessus de l'horizon, et il faisait grand jour, lorsque deux coups légers furent frappés à la porte de l'appartement. Presque aussitôt, une servante vint annoncer à sa maîtresse que le citoyen Noël Corbet, aide-de-camp du commandant Delgrès, demandait à être introduit, afin d'avoir l'honneur de communiquer à Mademoiselle René de la Brunerie les instructions qu'il avait reçues de son chef à son sujet. La jeune fille, après avoir rapidement échangé, de bouche à oreille, quelques mots avec la femme du capitaine Ignace, passa dans le salon où l'attendait l'envoyé du commandant. Noël Corbet était, nous l'avons dit, un homme de couleur. Il était âgé d'environ 35 ans. Les traits étaient beaux, ses manières distinguées. Il passait pour être très riche, avait visité l'Europe, où il était demeuré assez longtemps, et n'était que depuis 2 ou 3 ans de retour à la Guadeloupe. Il salua respectueusement Mademoiselle de la Brunerie. La jeune fille inclina légèrement la tête et attendit qu'il lui adressât la parole. « Je suis confus, mademoiselle, dit Noël Corbet, de me présenter si à l'improviste et surtout à une heure si matinale devant vous. Mais je supposais qu'un messager de bonne nouvelle ne saurait témoigner trop d'empressement, et ne devrait pas hésiter à enfreindre certaines convenances sociales, lorsqu'il s'agissait de s'acquitter d'un devoir aussi agréable. Veuillez donc me pardonner, je vous prie, mademoiselle. » Non seulement je vous pardonne, monsieur, répondit la jeune fille, mais encore je vous remercie de l'empressement que vous avez mis à vous rendre auprès de moi. J'attends avec impatience qu'il vous plaise de vous expliquer. Cette explication sera courte, mademoiselle. Quelques mots suffiront pour la rendre claire. le commandant Delgrès, dont j'ai l'honneur d'être l'ami, et sous les ordres duquel je sers, en ce moment, a été fort affligé de la violence exercée contre vous, et la façon brutale dont vous avez, à son insu, été enlevé de votre habitation. Le commandant Delgrès vous supplie humblement, mademoiselle, ce sont ses propres paroles, de lui pardonner une injure qu'il ignorait. Il m'a donné l'ordre de vous annoncer que vous êtes libre et maîtresse de sortir de Saint-Charles. Il m'a de plus chargé de vous accompagner jusqu'aux avant-postes de l'armée française. Honneur dont je suis fier, mademoiselle. Monsieur, répondit René de la Brunerie avec une certaine émotion, je n'ai pas douté un seul instant de la prudomie du commandant Delgrès. Je le sais trop homme d'honneur pour avoir douté un instant de son innocence. Le commandant Delgrès, j'en ai la conviction, sera heureux, mademoiselle, lorsqu'il saura l'éclatante justice que vous rendez à son honneur. Ainsi donc, monsieur, je suis libre de sortir de cette forteresse dès que j'en témoignerai le désir ? Oui, mademoiselle. Parlez, dites un mot, je suis à vos ordres. À l'instant même, j'aurai l'honneur de vous faire ouvrir toutes les portes devant vous et de vous accompagner jusqu'aux avant-postes. René de la Brunerie eut une hésitation de quelques secondes, puis elle dit avec une légère émotion dans la voix, « Ne pourrais-je, monsieur, remercier votre chef de ses attentions pour moi avant mon départ ?» Le commandant Delgrès n'aurait jamais osé ambitionner une pareille faveur, mademoiselle, répondit Noël Corbett en s'inclinant. « Mais il serait très honoré si vous daignez le recevoir. » « Il est de mon devoir, monsieur, de ne pas me montrer ingrate envers lui. » Je désire lui exprimer ma reconnaissance, mais je ne souffrirai pas qu'il vienne jusqu'ici, c'est à moi de me rendre auprès de lui. Veuillez donc, je vous prie, me montrer le chemin, monsieur. Venez, mademoiselle, puisque vous en témoignez le désir. Mademoiselle de la Brunerie entrebâilla légèrement la porte de la chambre à coucher, échangea quelques mots avec Clercine, puis elle referma cette porte et se tournant vers Noël Corbet. Me voici prête à vous suivre, monsieur, lui dit-elle. Le mulâtre s'empressa de lui indiquer le chemin. Ils sortirent de l'appartement et s'engagèrent dans les corridors de la forteresse. Cependant, au lever du soleil, ainsi que la veille, ils s'y étaient engagés envers le général Richepanse. L'œil-gris avait quitté la basse terre et s'était dirigé vers le fort Saint-Charles. Lorsqu'il fut arrivé aux avant-postes, il prit une trompette avec lui, déploya un drapeau parlementaire et s'avança résolument en avant des batteries. Au pied des glacis, le chasseur s'arrêta, et après avoir planté en terre la hampe de son drapeau, il ordonna aux trompettes de sonner un appel. Quelques minutes s'écoulèrent. Un appel de trompette répondit enfin sur le sommet des remparts. Une poterne s'ouvrit, et un officier parut, suivi de deux soldats, dont l'un portait un drapeau blanc, et l'autre tenait en main la trompette, dont il s'était servi un instant auparavant pour répondre à l'appel du chasseur. L'officier fit quelques pas en avant. Le parlementaire s'avança aussitôt à sa rencontre. Les deux hommes se saluèrent. Les remparts et les tranchées étaient garnis de spectateurs attirés par la curiosité. L'officier noir était un homme de couleur nommé Palem, grand gaillard à la mine patibulaire, au regard un peu louche et à l'air narquois, mais dévoué à Delgrès, dont il s'était fait l'aide de camp. Quel mauvais vent vous amène et que le diable venez-vous faire ici ? Demanda-t-il au chasseur, lorsqu'il ne fut plus qu'à deux pas de celui-ci. Je viens en parlementaire, monsieur, répondit sèchement le chasseur. En parlementaire ? Reprit l'autre avec un singulier ricanement. Sur ma foi, vous avez eu là une triomphante idée. Est-ce que par hasard vous seriez à ce point las de vivre que vous ne craignez pas de vous risquer parmi nous ? « Pourquoi donc cela ?» fit le chasseur sur le même ton. « Ignorez-vous donc vraiment la résolution que nous avons prise ?»« Peut-être, monsieur, mais dans tous les cas, je vous serai obligé de me la faire connaître. »« Bien volontiers. Apprenez donc que nous avons arrêté que tout parlementaire qui se présentera à nous sera considéré comme espion et pendu haut et court. Que dites-vous de cela ?»« Je dis que c'est très ingénieux. »« Vous n'avez pas peur pour votre vieille peau ?» Pas le moins du monde. J'admire même cette résolution que je trouve bien digne de scélérats de votre espèce. Ah, ça, dites donc, est-ce que vous voulez m'insulter par hasard ? Nullement. Vous me parlez, je vous réponds, voilà tout. C'est bon, grommela le mulâtre. Que voulez-vous enfin ? Parlez à votre chef. Quel chef ? Le commandant Delgrès. De quelle part ? De la mienne. Hein ? Faut-il répéter ? Non, c'est inutile, j'ai entendu. Eh bien alors ? Mais je n'ai pas compris. Comment vous n'avez pas compris ? Dame, que pouvez-vous avoir à dire de si important au commandant Delgrès ? Quant à ceci, monsieur, vous me permettez de vous faire observer que ce n'est pas votre affaire. Vous avez raison, cette fois. Mais croyez-moi, vieil homme, retournez plutôt sur vos pas si vous tenez à votre carcasse, que de vous obstiner à entrer dans la forteresse. Si ce dont je doute, ce que vous me dites, vient d'une bonne intention, je vous remercie. Mais je suis résolu, quoi qu'il arrive, à parler à votre chef. Puisque vous le voulez, cela vous regarde. Car vous le voulez, n'est-ce pas ? Je le veux, oui, répondit nettement le chasseur. C'est bien, mais comme je ne suis pas autorisé à vous conduire auprès du commandant, il me faut d'abord prendre ses ordres. Attendez-moi ici. Faites vite, je vous attends. Vous êtes bien pressé d'être pendu, fit Palem en ricanant. Le chasseur haussa dédaigneusement les épaules sans répondre. Palem fit signe de le suivre aux deux hommes dont il était accompagné, et il retourna au fort. Mais, sur le seuil de la poterne, il trouva l'attendant, Caudou, un autre des aides de camp de Delgrès. Qui a-t-il ? Demanda Caudou. Un parlementaire, répondit Palem avec son rire sournois. Tu ne l'amènes pas ? Je vais prendre les ordres du commandant. Je suis ici de sa part. Ah, tant mieux, cela m'évitera une course. Oui, ordre d'introduire le parlementaire avec tous les égards dus à sa position, et selon les règlements militaires. Pourquoi faire, puisqu'il va être pendu ? Erreur, ami Palem, erreur. Il ne sera pas pendu. Il ne sera pas pendu, s'écria l'autre avec surprise. Non, dit froidement Caudou. Ah, diable, sais-tu qui est cet homme ? Serait-ce le démon en personne, tel est l'ordre. Ce n'est pas le démon, mais ce qui est peut-être pire, c'est le vieux chasseur blanc, celui qu'on nomme le chasseur de rats. Voilà qui est malheureux, mais que veux-tu ? Nous n'y pouvons rien faire, c'est l'ordre. Enfin, puisqu'il le faut, va, je t'attends ici. Palem retourna lentement sur ses pas. Le digne mulâtre était d'exécrable humeur. Il avait sournoisement espéré une si jolie pendaison. Le chasseur n'avait pas bougé de place. « Vous n'avez pas été longtemps, monsieur, » dit-il d'un ton de bonne humeur à l'aide de camp, en le voyant si promptement revenir vers lui. « Voulez-vous toujours entrer ?» se contenta de demander l'officier. « Plus que jamais. Alors je vais vous bander les yeux. » « Rien de plus juste. Avez-vous bien réfléchi ? Allons-nous recommencer ?»« Que le diable vous emporte. Au fait, cela vous regarde. Je vous ai averti. Je me lave les mains de ce qui arrivera. » « Comme Ponce Pilate, » dit le chasseur. « Je vous remercie de votre sollicitude, » ajouta-t-il d'un air narquois, qui fit faire la grimace au mulâtre. « Vieux diable !» murmura-t-il, et il lui banda les yeux. Deux soldats accompagnaient l'officier. Ils prirent le chasseur par-dessous les bras, et ils le conduisirent à la poterne, où Caudou attendait. Puis ils retournèrent prendre leur poste, en face du trompette français, occupé à fumer tranquillement sa pipe, auprès de la hampe de son drapeau parlementaire, au pied de laquelle étaient couchés les six chiens ratiers du chasseur. Caudou et Palem avaient remplacé les soldats. Le chasseur marcha pendant près de 10 minutes entre eux deux. Il entendit le bruit de plusieurs portes qu'on ouvrait et qu'on fermait sur son passage. Puis ses guides s'arrêtèrent tout à coup, et le bandeau lui fut enlevé. Il était en présence de Delgrès. Le commandant fit un geste. Les aides de camp sortirent en refermant la porte derrière eux. La chambre dans laquelle on avait conduit l'œil gris était celle dans laquelle nous avons précédemment introduit le lecteur. Delgrès, revêtu de son uniforme, mais sans armes, se promenait de long en large, les bras derrière le dos et la tête penchée sur la poitrine. En reconnaissant le parlementaire, il s'avança vivement vers lui, et lui tendant la main. « Soyez le bienvenu, chasseur, lui dit-il amicalement. « Je vous remercie de cet accueil, répondit le vieillard en lui serrant la main. « Vos aides de camp ne m'avaient pas fait espérer, commandant, une aussi cordiale réception. »« Oui, je sais, » fit en souriant le mulâtre. « Il n'aurait pas été fâché de vous voir pendre un peu. »« Je dois avouer qu'il semblait le désirer fort, un surtout. »« Bon, laissez son là. »« Asseyez-vous et causons. » Le chasseur prit un siège et s'assit en face du commandant. « Vous êtes sans doute porteur, reprit celui-ci, de certaines propositions de la part du général Richepense. »« Non pas, commandant. » De celle de pelage, alors ? Pas davantage. Qui vous envoie donc vers moi ? Personne, je viens de ma part. De la vôtre ? Mon Dieu, oui. Est-ce que je m'occupe de politique, moi, commandant ? Je suis un chasseur, pas autre chose. C'est vrai. Ainsi, vous avez tenu à avoir un entretien avec moi ? Précisément. Puisqu'il en est ainsi, parlez, je vous écoute. Je serai bref, commandant. Je sais que vous n'avez pas de temps à perdre, et moi, je suis pressé. Alors, venons au fait. M'y voici, commandant. Mademoiselle Ronne de la Brunerie a été enlevée, d'une façon que je ne veux pas qualifier, de son habitation, arrachée à sa famille, et conduite ici à Saint-Charles. Ah, vous savez cela ? Dit le mulâtre d'une voix sourde et en fronçant le sourcil. Je le sais mieux que personne, reprit le chasseur, sans autrement s'émouvoir, puisque c'est moi qui ai poursuivi les ravisseurs, depuis l'habitation jusqu'au pied de vos murailles. Ce n'est que par miracle que je n'ai pas réussi à sauver la malheureuse enfant. Quel effet a produit cet événement au quartier général ? Répondit froidement Delgrès. Au quartier général, répondit le chasseur avec vivacité, personne n'a compris les motifs de cet attentat. Vous les avez compris, vous ? Demanda Delgrès avec amertume. Certes, je les ai compris, commandant. Je n'ai même pas eu besoin de beaucoup réfléchir pour cela. Sans doute, on vous aura demandé votre opinion ? C'est ce qui est effectivement arrivé, commandant. Ah, et qu'avez-vous répondu ? Je serais curieux de le savoir. À votre aise, commandant. J'ai dit au général Richepense et à monsieur de la Brunerie que, je dois l'avouer, vous accusez presque. Monsieur de la Brunerie, surtout, que son désespoir égarait. J'ai dit que non seulement vous n'aviez pas donné l'ordre d'enlever mademoiselle de la Brunerie, que par conséquent vous n'aviez pas autorisé cet odieux attentat, mais encore que vous l'ignoriez. J'ajoutais que dès que vous en auriez connaissance, vous en seriez désespéré. « Vous avez dit cela, vous ? » s'écria le mulâtre avec une émotion qu'il essayait vainement de dissimuler. « Certes, je l'ai dit. »« Merci, » reprit Delgrès, en lui serrant la main avec force. « Merci de m'avoir si loyalement défendu. »« Je ne vous ai pas défendu, mon commandant, » répondit le chasseur de rats avec bonhomie. « J'ai dit seulement ce qui est vrai, que vous êtes un homme de cœur, et par conséquent incapable de commettre non pas une action honteuse, mais seulement un acte qui ne soit pas essentiellement honorable. Et je crois ne pas m'être trompé. » « Non, vous ne vous êtes pas trompé. En effet, j'ignorais cette malheureuse affaire. » « Commandant Delgrès, je suis un vieillard. J'ai une longue connaissance du cœur humain. Je n'ai pas besoin de regarder deux fois un homme en face pour le juger et savoir ce dont il est capable. Que vous ayez tort ou raison dans la cause que vous soutenez, que vos intentions soient bonnes ou mauvaises au point de vue du gouvernement français, en un mot, que vous soyez ou non rebelle, cela ne me regarde pas. Vous avez mis bravement pour enjeu votre tête dans la terrible partie que vous jouez. Nul ne saurait exiger davantage. Mais ce qui me regarde, moi, ce que je sais, ce que je soutiendrai devant tous, enfin, c'est que vous êtes un homme d'honneur. Oui, je suis un homme d'honneur. Et bientôt, vous en aurez la preuve. Vous êtes venu franchement me trouver pour vous expliquer avec moi. Je vous en remercie sincèrement, chasseur. Un autre que vous eût peut-être hésité avant de tenter une pareille démarche. Je dois avouer que lorsque j'ai manifesté au général en chef l'intention de me rendre auprès de vous, il s'y est formellement opposé. Votre déclaration péremptoire de considérer les parlementaires comme espions et de les pendre sans autre forme de procès l'inquiétait vivement. Pour moi à qui, je ne sais trop pourquoi, il porte un grand intérêt. « C'est juste, » murmura le mulâtre d'un air pensif. « Vous saviez cela, et pourtant vous avez insisté ?»« Oui, j'ai insisté, de telle sorte même qu'il a fini par me permettre de venir, et que me voilà. »« Eh bien maintenant, que désirez-vous de moi ?»« La liberté de mademoiselle de la Brunerie. »« Vous êtes venu expressément pour cela ?»« Expressément, oui, commandant. » Et sans doute avec l'intention de la ramener vous-même à son père. Telle est en effet mon intention, oui, commandant. Si vous ne me refusez pas, ainsi que je l'espère, la liberté de mademoiselle de la Brunerie. Mademoiselle de la Brunerie n'est pas ma prisonnière, répondit froidement Delgrès. Comment cela, commandant ? Je l'ai vue moi-même, transportée dans le fort. Je ne vous dis pas non, chasseur, mais il ne s'ensuit pas de là. Je suppose que cette dame soit ma prisonnière. « C'est vrai, commandant, j'avais tort. »« Écoutez-moi, chasseur. »« Je ne demande pas mieux, commandant. »« Je n'attendais pas votre visite ce matin, n'est-ce pas ? En effet. Je ne pouvais aucunement supposer que vous vous présenteriez en parlementaire à mes avant-postes. Non, certes, à moins d'être sorcier, et rien ne m'autorise à supposer que vous le soyez, commandant, répondit le vieillard avec un sourire de bonne humeur. Rassurez-vous, je ne le suis pas, loin de là, malheureusement, fit-il sur le même ton. Ce qui veut dire... Vous allez voir. Delgrès frappa sur un gong. La porte de la chambre s'ouvrit. Caudou parut. « Vous avez appelé, commandant ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur. Si le capitaine Noël Corbett n'a pas encore quitté la forteresse, comme je lui en avais donné l'ordre, priez-le de se rendre immédiatement ici. »« Où rencontrerai-je le capitaine, mon commandant ?»« Du côté de l'appartement du capitaine Ignace. Allez, monsieur, je suis pressé. » Caudou salua et sortit. « Un peu de patience, chasseur, » dit Delgrès. « Je ne comprends pas du tout. Bientôt vous saurez tout. » En ce moment, un coup léger fut frappé à la porte. « Entrez, » dit Delgrès. La porte s'ouvrit, le capitaine Noël Corbett parut. « Écoutez bien, » dit le commandant au chasseur, « ceci est à votre adresse. » Et se tournant vers le capitaine. « Vous arrivez bien promptement, » lui dit-il. « Mon commandant, » répondit le capitaine, « j'ai rencontré le capitaine Caudou à quelques pas d'ici seulement. Je me rendais auprès de vous. Auriez-vous déjà exécuté mes ordres ? Pas encore, commandant. Pourquoi ce retard, capitaine ? Reprit Delgrès d'une voix sévère. Excusez-moi, mon commandant, je n'ai commis aucune faute. Avant de sortir de la forteresse, mademoiselle Renée de la Brunerie désire vous adresser elle-même ses remerciements. Delgrès échangea à la dérobée un regard avec le chasseur. Celui-ci commençait à comprendre. « Vous voyez, » lui dit le commandant. « Je vois que vous êtes un homme, commandant, » répondit le chasseur, avec une brutale franchise qui était le plus bel éloge qu'il pouvait lui faire. « Et un homme des pieds à la tête. Vive Dieu, je le signerai de mon sang. » Le commandant sourit. « Avez-vous fait observer à mademoiselle de la Brunerie, » reprit-il en s'adressant au capitaine, « qu'elle ne me doit aucun remerciement ?» Que c'est moi, au contraire, qui aurais des excuses à lui faire pour ce qui s'est passé. J'ai exécuté textuellement vos ordres, commandant. Mademoiselle de la Brunerie insiste pour vous faire ses adieux. Vous ne pouvez refuser sans manquer aux convenances, commandant, dit vivement le vieux chasseur. Peut-être vaudrait-il mieux, murmura Delgrès, que cette entrevue n'eût pas lieu. Vous vous trompez, commandant. Pour vous et pour mademoiselle de la Brunerie, vous devez consentir à la recevoir. « Qu'il soit donc fait selon votre volonté, chasseur. Capitaine, veuillez, je vous prie, informer mademoiselle de la Brunerie que je vais avoir l'honneur de me rendre auprès d'elle. »« Pardon, commandant ? Mademoiselle de la Brunerie désire se rendre auprès de vous. Elle attend votre réponse dans la salle du conseil, où, sur ma prière, elle a consenti à s'arrêter un instant. »« Retournez donc auprès de cette jeune dame, mon cher capitaine, et après m'avoir de nouveau excusé auprès d'elle, veuillez lui dire, je vous prie, que je suis à ses ordres et la conduire ici le plus tôt possible. » « Oui, mon commandant. » « À propos, mon cher capitaine, lorsque mademoiselle de la Brunerie sera entrée dans cette pièce, vous pourrez vous retirer. Je n'aurai plus besoin de vous. » Ce brave chasseur, qui est un ami dévoué de la famille de cette jeune dame, se chargera de la reconduire à son père. « Très bien, commandant, » répondit le capitaine. Sur ce, il salua et sortit. Il eut un moment de silence entre les deux hommes. Delgrès s'était levé. Il marchait à grands pas, de long en large, dans la pièce. Soudain, il s'arrêta devant le chasseur, et lui posa la main sur l'épaule. « Me croyez-vous maintenant ? » fit-il. « Que voulez-vous dire ? » répondit le vieillard en tressaillant. « Je vous demande si vous me croyez. » « Commandant, la question que vous m'adressez a lieu de me surprendre. Elle me peine plus que je ne saurais le dire, en me laissant supposer que vous pensez que j'ai douté de vous. Et pourtant, ma présence ici devrait vous prouver le contraire. « C'est vrai, » murmura Delgrès, comme s'il se fût parlé à lui-même. Et pourtant les hommes sont ainsi faits, que souvent même l'évidence ne réussit pas à les convaincre. Hélas, personne mieux que moi ne le peut savoir. N'ai-je pas tout sacrifié, honneur, considération, honneur, fortune, sans calcul ni arrière-pensée, au succès de la cause que je défends ? Et pourtant, à combien de calomnies suis-je exposé de la part de mes partisans eux-mêmes ? Combien de haines injustes n'ai-je pas soulevées autour de moi ? Mes ennemis me représentent comme un scélérat, un monstre, qui a peine à figure humaine. Les crimes les plus odieux, les fourberies les plus indignes, on me les impute. Les lâchetés, les cruautés les plus effroyables, on m'en suppose capable. Ô commandant, vous allez trop loin. Il est, croyez-moi, des hommes en plus grand nombre que vous le supposez, parmi vos ennemis eux-mêmes, qui vous apprécient et vous rendent justice. Ne vous ai-je pas défendu, moi, qui vous parle ? Vous dites vrai, mon ami. Et pourtant, ajouta Delgrès avec amertume, on m'a accusé d'avoir enlevé cette malheureuse jeune fille, pour le bonheur de laquelle je verserai mon sang, jusqu'à la dernière goutte. Cette supposition était de toutes les choses qu'on lui imputait, celle qui l'affectait le plus. Le chasseur de rats comprit que la colère que Delgrès laissait ainsi déborder provenait de là. Il ne voulut pas l'irriter davantage, en entamant une discussion sans but. Il ne répondit donc que par un léger haussement d'épaules. « Oui, reprit le commandant avec force, on n'a pas craint de m'accuser de cette infamie. Ignace a tout fait de propos délibérés sans m'en rien dire. Pourquoi ? Je l'ignore. Ou plutôt je dois l'ignorer. Mademoiselle de la Brunerie est entrée cette nuit à 10 heures dans le fort. Je ne l'ai pas vue encore. Je n'ai pas voulu la voir. Et si maintenant, presque malgré moi, je consens à l'entrevue qu'elle me demande, vous serez là, vous son meilleur ami, témoin de ce qui se passera entre elle et moi. Si vous n'étiez pas venu, rien n'aurait pu me faire consentir à recevoir cette jeune fille. Elle serait sortie du fort sans que mon regard eût, même à la dérobée, effleuré sa personne. Voilà la vérité tout entière. Je vous le jure sur mon honneur de soldat et d'honnête homme. Calmez-vous, je vous en supplie, commandant. Je suis heureux, moi, de cette entrevue que vous semblez, je ne sais pourquoi, si fort redoutée. Mademoiselle de la Brunerie vous rendra, je l'espère, un peu de courage qui semble en ce moment complètement vous abandonner. Oui, oui, je le sais depuis longtemps déjà. Cette jeune fille est un ange. Son regard seul en tombant sur moi me rend meilleur. Hélas, pourquoi faut-il ? Il n'acheva pas, se frappa le front avec désespoir et reprit sa promenade saccadée à travers la pièce.